La compagnie des auteurs, c'est toute une équipe, Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Corinne Amar, Gauthier Amiel et Laurence Millet, avec aujourd'hui à la console Élise Leu. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, jeudi, dernier moment de notre série d'émissions consacrée depuis lundi à l'écrivain Romain Gary, 1914-1980. Sa mère était un personnage à la Gary, une Madame Rosa qu'il a décrite de façon aussi attachante que comme une femme possessive et étouffante. C'est dans les airs que Gary a commencé sa carrière au service de la France, comme aviateur pour les forces françaises libres, avant de devenir diplomate notamment aux Nations Unies, puis comme consul de France à Los Angeles. Enfin, c'est par une mystification que Gary a terminé sa vie, en inventant le personnage d'Émile Ajar. Sa vie, justement, nous l'avons survolé lundi, c'était avec Jean-Marie Cattonnet. Mardi, c'est d'un Gary cosmopolite dont il a été question, d'un homme qui avait le don des langues et qui se posait sur chacune d'elles à la manière d'un caméléon. Jean-François Angouette nous a également parlé de son livre « Gros câlin » et de la philosophie de vie de Gary. Enfin, hier, nous recevions celle qui a sans doute été la plus proche de Gary parmi nos invités, en la personne de Myriam Anisimov. Avec elle, nous sommes revenus sur les années américaines de l'auteur de La promesse de l'aube, ainsi que sur sa personnalité. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour évoquer les diverses identités de Romain Gary, je reçois un homme que l'on n'attendait pas forcément sur ce terrain-là, Guy Amselem, bonjour. Bonjour Mathieu Garrigou-Lagrange. Vous êtes haut fonctionnaire, écrivain, enseignant et actuellement président de la Cité de l'architecture et du patrimoine à Paris, après avoir notamment dirigé l'école d'architecture de la Villette. Vous semblez donc ne pas être d'abord un homme de lettres et pourtant, il y a une dizaine d'années, vous avez publié le livre « Romain Gary, les métamorphoses de l'identité » aux éditions de l'Harmattan. Quel rapport diriez-vous que vous entretenez personnellement avec cet écrivain ? Alors, je me souviens très bien du moment où j'ai décidé que j'allais peut-être écrire sur Gary. À l'époque, je m'occupais de l'année polonaise dont j'étais commissaire général. Nous avions organisé beaucoup de manifestations, des expositions, des représentations de théâtre, des projections de films et aussi des colloques savants. L'un d'entre eux était consacré aux villes frontalières, à l'imaginaire des villes frontalières polonaises qui ont souvent changé de nom, de nationalité, d'état. Et il y avait un colloque qui portait sur Vilno, Vilna, Vilnius. Et en y travaillant, j'ai vu Gary, comme bien d'autres, était né à Vilnius et je me suis dit, tiens, il faudra que je revienne là-dessus et que je relise Gary à l'aune de cette problématique de l'identité. Puis après, je suis resté sur la Pologne, j'ai écrit un livre sur l'imaginaire polonais et comme convenu avec moi-même, 2 ans plus tard, je me suis mis à relire Gary. Premier choc, je relis La promesse de l'aube, dont j'avais gardé le souvenir d'un livre certes épique, mais quand même assez léger, pétri d'humour anglais. Et là, ce que je dis, c'est pas du tout ça, c'est un livre tragique d'un homme inventé par le désir de sa mère et qui accepte de s'y conformer. Puis deuxième choc, je lis d'autres Gary que j'avais lus ou que je n'avais pas lus auparavant. Et là, je me dis, c'est absolument étonnant. Ce sont des ouvrages d'une grande complexité avec des strates multiples qui se superposent, des niveaux de lecture. Et je me dis, Gary est tout sauf un écrivain facile. Son œuvre est vraiment une œuvre ouverte, polysémique, enfin ouverte au sens d'Umberto Eco, c'est-à-dire ouvrant un large éventail de possibilités interprétatives. Et donc, j'ai décidé de proposer une interprétation, mon interprétation, de l'œuvre de Gary à l'aune de l'identité. Et c'est cette interprétation qu'on va découvrir aujourd'hui, mais quand même, je ne peux pas m'empêcher de penser que vous êtes le directeur de la Cité de l'architecture et du patrimoine et que vous avez forcément eu cet œil aussi en lisant Romain Gary. Est-ce qu'il y a un rapport, une vision qui est particulière à cet écrivain de la ville ? De la ville, oui, certainement. De l'architecture, j'en suis moins sûr. De la ville comme lieu de frottement, de rencontre. Enfin, Vilno, où il est né, qui s'appelait Vilna à l'époque parce que c'était sous occupation russe, mais avant, ça a été pendant très longtemps une ville polonaise très importante dans la mémoire polonaise. C'est là que sont nées les deux insurrections du 19e siècle. C'est là qu'est né Mickiewicz, qui est le grand poète prophète. C'est là qu'est né aussi Miłosz, qui est un prix Nobel, un des prix Nobel polonais. Vilna, au moment où Gary est né, mais à l'époque, Varsovie, c'était en Russie. Et puis ensuite Vilnius. Et entre 1917 et 1923, la ville change 8 fois de main. C'est un truc inimaginable, 8 fois de main. C'est-à-dire que les gens sont alternativement russes, puis polonais, puis allemands, puis lituaniens, puis de nouveau russes. Bon, puis ça se termine, hop, la pièce tombe du côté Pologne. Alors évidemment, pour Gary, la ville, c'est un lieu de frottement. C'est une ville qui s'appelait la Jérusalem de Lituanie. Il y avait une 30aine de quotidiens en langue yiddish. Je sais pas si vous imaginez ce que ça signifie. Une ville extrêmement cosmopolite, où les gens se rencontrent pour le meilleur et pour le pire. Donc je pense que son approche de la ville est celle-là. Le lieu de toutes les rencontres, le lieu de tous les possibles, le lieu évidemment du frottement et le lieu sans doute de l'altérité. Alors il y a une ville qu'il a aimée, c'est Los Angeles, du temps où il y était consul. Je vous propose de l'entendre en parler dans cet archive de 1969. J'aime le pays, j'avais sous ma juridiction administrative des régions extraordinaires, l'Arizona, le Nouveau-Mexique, toutes ces terres absolument envoûtantes. Le pays était immense, on se déplace constamment, il y avait une variété de populations. Vous savez, c'est un pays de nomades, la Californie. Les gens vivent dans les roulottes et encore à l'époque, on voyait souvent une maison transportée sur une plateforme, on transportait la maison d'un quartier à l'autre. C'est un pays qui me convenait très bien parce que c'est un pays en changement. Constant. C'est un pays qui bouge énormément, où il y a parfois la plus belle architecture du monde, la plus laide aussi, mais la plus belle également. Les gens détestent Los Angeles en général, on dit que ce n'est pas une ville, eh bien, ce n'est pas du tout mon avis. Il est vrai qu'à Los Angeles, l'individu, ce n'est pas l'homme, c'est l'automobile, ça a été bâti pour ça et comme ça. Mais on trouve des coins, il y a une vie indigène, même en Californie, qui est envoûtante, et notamment les paysages comme ceux de Big Sur, rendu célèbre par Miller, qui sont inoubliables. San Francisco est certainement pour moi la plus belle ville du monde. Elle est peut-être aussi très ennuyeuse, mais au point de vue regard, c'est la plus belle ville du monde pour moi après avoir vu le monde entier sauf la Chine. Alors au-delà de la question de la beauté architecturale des villes de Californie, Guillaume Sellem, ce jugement de Gary sur ces villes et sur cette architecture est peut-être avant tout une preuve de sa liberté esthétique, parce qu'en général, la doxa ne considère pas, à quelques exceptions près, la Californie comme une grande terre d'architecture. C'est cela que cela montre peut-être. D'abord. Oui, alors il dit tout de même qu'il préfère San Francisco. Je suis assez d'accord avec lui, je dois dire, sur ce point. Et Big Sur, ces paysages absolument magiques qu'on retrouve à la fin de La Promesse de l'Aube. Oui, je crois qu'il a un rapport assez charnel aux villes, aux paysages, à son environnement. La mer, c'est sans doute tout ça qu'il a aimé en Californie. Mais Nice aussi, c'est une ville évidemment importante. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Nice. Ce qui frappe, c'est évidemment ce rapport inextricable au relief. On monte, on descend, tout mètre carré se conquiert. Et quand sa mère, Nina, dans La Promesse de l'Aube, s'installe à Nice, elle voit d'un côté les montagnes, de l'autre côté la mer, et elle décide d'appeler sa pension de famille qu'elle ouvre la pension Mermont. Et quelques années plus tard, au moment où il est à Los Angeles, Robin Gary décide d'épouser Jean Seberg. Est-ce qu'il y a comme ça une détermination par le signifiant? Peut-être allons-nous en parler. Alors, vous avez en tout cas publié votre livre dans la collection Psychanalyse de l'Harmattan. Alors qui était vraiment Robin Gary finalement? C'est la question que vous vous posez dans ce livre-là, Guillaume Sellem. C'est difficile de savoir qui il était, et les gens qui prétendent le connaître, à mon avis, sont forcément réducteurs. Il y a un homme, il y a son œuvre, il y a ce qu'il laisse transparaître ou apparaître dans son œuvre. Il y a des biographies qu'il écrit, des autobiographies, mais qui relèvent davantage de ce qu'on appelle aujourd'hui de l'autofiction. C'est-à-dire, c'est évidemment un homme qui se raconte, mais le jeu dont il parle est pas forcément le jeu social, le jeu de l'état civil. C'est un autre jeu, à la fois celui qu'il était, celui qu'il veut devenir. Je pense qu'on se rapproche davantage d'une notion d'identité narrative, c'est-à-dire... Ricoeur est très à la mode en ce moment. Exactement. Je suis... mais moi, je le cite avant qu'il soit à la mode. Enfin, il l'était peut-être déjà, mais j'en fais bon usage dans mon livre, parce qu'il me semble que cette notion est très, très pertinente. C'est-à-dire... Surtout pour un écrivain, en effet. Voilà. L'identité, selon Gary, c'est à la fois une promesse et une ouverture au changement. C'est... Je resterai celui que j'étais pour honorer ma promesse, mais pour honorer ma promesse, je devrais aussi changer. Donc je suis celui que j'étais, je suis celui que je deviendrai. Donc c'est bien de la légende de Gary dont il est question, autant que de sa propre vie, que des faits qui se sont égrenés tout au long de sa vie, Guillaume Sellem. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est le moi créateur, comme je le dis, et pas le moi social. Donc je suis moi aussi, après bien d'autres, contre Sainte-Beuve, résolument. Je trouve que la vérité d'un écrivain, elle ne se trouve pas dans l'archive, dans l'état civil, dans les documents ou dans l'histoire, elle se trouve dans ses œuvres. Donc ce qui m'a intéressé, c'est quel est le Gary qui se dégage de ses œuvres. Et évidemment, c'est un Gary complexe. Complexe. Dans ses œuvres et dans ses personnages, peut-être aussi. Oui, bien sûr. Ben, l'un est indispensable de l'autre. Enfin, pour Gary, écrire un roman, c'est écrire des personnages. Hein. C'est l'homme des identités picaresques, comme il dit lui-même. Il est toujours à la poursuite d'un personnage. Et il n'existe qu'à travers ses personnages. Lui, il se met un petit peu au second plan. Il est tous ses personnages, même quand elles sont des femmes. Hein. Ah. C'est aussi lui qui parle à travers elles. Oui, parce que j'allais vous dire que, comme vous êtes contre Sainte-Beuve, je ne peux pas vous demander de lequel de ses personnages Gary est le plus proche. Mais peut-être qu'on peut quand même essayer de répondre à la question. Ah, mais je pense qu'il est tout autant Lady L que Morel, que Régnier. Il est Momo, il l'a dit aussi, même si ça paraît étrange, un adolescent algérien dans les années 70. Mais il a dit, moi, quand je suis arrivé en France à la fin des années 20, dans les années 30, c'était à peu près la même chose. On parlait mal la langue, on avait un teint basané, on était coiffé en aile de corbeau, on écorchait tout le temps la langue française, on nous renvoyait tout le temps à cette position illégitime. Il dit, il y a incontestablement du Momo en moi. Et vous, je peux vous demander si vous vous retrouvez dans un des personnages de Gary ? Moi, je me retrouve... Alors, je m'identifie assez facilement au personnage de Gary. J'aime moins le Gary pontifiant de Tulip, voilà, de Johnny Kerr, voire de Morel. J'aime bien le Gary qui doute, le Gary des failles, voilà, le Gary des blessures. Ce serait quel livre ça ou quel personnage ? Moi j'ai beaucoup de sympathie pour la période des Ajars, hein, et je les aime tous. Hein. Salomon, Gros Câlin, j'aime aussi évidemment le Momo de La Vie devant soi. Vous vivez pas avec un serpent, rassurez-nous. Non. Nouveau contrat comme le précédent, Émile Ajar. J'étais inquiet. Ça faisait deux fois que j'utilisais le même nom. J'ai une peur bleue de la mort. Mais le docteur Christiansen m'avait rassuré. Allez-y, le destin ne vous cherchera pas plus sous le nom d'Ajar que sous un autre. Il s'en fout, il bouffe tout. De toute façon, pour le destin, les noms, vous savez, tous des pseudonymes. J'avais quand même pris des précautions. Le premier contrat littéraire, je l'avais fait signer par un chauffeur de taxi à Rio. Comme ça, si le destin s'acharnait, c'est le chauffeur de taxi brésilien qui écoperait, et pas moi. Et puis Rio, c'est quand même aussi loin de Cahors que possible. Il y avait là une chance de passer au travers, vu la distance, surtout lorsqu'on pense à tous les salauds là-bas qui attendaient le châtiment, eux aussi. Je n'ai donc pas signé moi-même le premier contrat, et je m'exerçais pour le nouveau à signer Émile Ajar, pour que ça fasse convaincant. Je signais et resignais, je n'arrivais plus à m'arrêter. Ça me fascinait. Simulateur, mythomane... parano et maintenant mégalomane. J'étais couvert. Le docteur Christiansen m'avait mis en garde, mais je me croyais assez fort. Après avoir signé plusieurs centaines de fois, si bien que la moquette de ma piole était recouverte de feuilles blanches avec mon pseudo qui rampait partout, je fus pris d'une peur atroce. La signature devenait de plus en plus ferme, de plus en plus à elle-même pareille, identique, telle qu'elle, de plus en plus fixe. Il était là, quelqu'un. Une identité, un piège à vie. La compagnie des auteurs et cet extrait de Pseudo d'Émile Ajar. Pseudo, c'est une autobiographie d'Ajar, donc de Paul Pavlovitch, donc de Romain Gary, Guillaume Sellem. Enfin, c'est toute une série de masques et de jeux de miroirs. On est là au cœur de ce que vous avez voulu montrer, je crois, dans votre livre. Oui, oui, il y a au moins quatre instances narratives et Gary se protège. Il apparaît dans le livre, mais il se met à distance, sous les traits de l'oncle du narrateur, donc qui est appelé Tonton Macout, oui, mais c'est lui. Ce n'est pas très sympathique. Puis, le narrateur, c'est censé être Paul Pavlovitch, qui prétend être Émile Ajar. Donc c'est compliqué. Effectivement, on est déjà presque sans doute dans un cas de figure que les psychanalystes dirait pré-schizophrénique, c'est-à-dire il y a une espèce de dilution du moi là en de multiples personnages. Et ce qui est intéressant dans cette entreprise Ajar, bon, elle avait été précédée par des aventures de création de pseudonymes, hein, ou d'hétéronymes comme dirait Pessoa, mais jusqu'alors c'était des masques, c'est Gary qui s'amusait. Hein. Là, il me semble qu'on est dans autre chose à travers Ajar, on n'est plus dans une supercherie littéraire, on est vraiment dans une stratégie existentielle. Donc moi, la thèse que j'avance, c'est que Ajar est un golem. D'ailleurs, quelques mois avant la publication de Gros Câlin, le premier Ajar, Gary signe un livre qui s'appelle Les Enchanteurs, et dans Les Enchanteurs, il y a une scène qui se passe à Prague, où il y a un rabbin qui dit à un des personnages, donc c'est l'épopée de la famille Zaga, je voudrais créer un être à partir de glaise, je ne sais pas comment on fait. Et Zaga lui répond, mais c'est très simple, il n'y a qu'une seule manière, de l'alphabet, des lettres, et avec ton écriture, tu pourras créer un homme nouveau et un monde nouveau. Et quelques mois après, Ajar naît. Alors évidemment, Ajar, il partage avec son devancier de la légende judéo-kabbalistique plusieurs caractéristiques. D'abord, c'est un vengeur, hein, sans doute contre les persécutions exercées par le milieu littéraire. Ensuite, c'est une figure du démiurge, donc qui porte la culpabilité de l'homme qui se prend pour Dieu. Et puis enfin, ça se termine mal, comme toujours avec le golem, c'est-à-dire que ça devient une figure de persécution contre son auteur. Voilà, donc Ajar, c'est un golem, et Ajar, ça devient à un moment donné un symptôme. Ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où il crée Ajar, il y a cette idée de l'hérédité qui revient dans Pseudo, mais aussi dans La Vie devant soi. Madame Rosa dit tout le temps, docteur, j'ai tellement peur qu'il soit héréditaire. Et dans Pseudo, il y a une invention, quelqu'un qui dit, ça y est, on a trouvé le moyen de mettre fin à l'hérédité, on peut se créer soi-même, s'inventer soi-même. Donc c'est le fantasme de Gary qui a répudié son père. Hein, dans le roman familial, il a décidé de répudier son père. Mais évidemment, la conséquence est un énorme vide de filiation qu'il essaye de combler par l'invention de ce personnage. Alors il répudie son père. Il faut peut-être raconter qu'il a beaucoup dit que son père était un acteur russe très célèbre à l'époque. C'est comme si on disait « mon père est Brad Pitt hein, », pour faire un équivalent avec ce Ivan Mozhoukin, hein, c'est ça, vous voyez, je n'ai même pas son nom en tête, mais c'était pourtant quelqu'un qui était extrêmement célèbre. Oh, c'était la star du cinéma muet, oui, c'est à peu près comme si un gosse des cités disait aujourd'hui à ses copains de classe, oui, Brad Pitt, en fait, c'est mon père. Bon. Et quand on imagine ce que devait être sa mère, évidemment, c'est très très peu plausible. Mais on sait qu'il a eu un père tout à fait... De chair et d'os. Oui, voilà, convenable, dans la norme, sauf qu'il a décidé de quitter sa maman pour s'installer avec une femme plus jeune, et ça, visiblement, le jeune Gary ne lui a pas pardonné. Donc il l'a répudié, il a dit « mon père n'est pas mon père », et il s'en est inventé un autre. Et le père symbolique, c'est De Gaulle ? Alors, je pense qu'il en a eu plusieurs, oui, sans doute De Gaulle, peut-être Malraux, peut-être Aymoiron, enfin, il y a eu beaucoup de figures paternelles qu'il a croisées. Moi, je pense que ce qu'il aimait dans De Gaulle, c'est peut-être moins la figure du père que la fiction que représentait De Gaulle à ses yeux. De Gaulle, c'est une fiction. L'appel du 18 juin, c'est une fiction. Dire il y a une France qui n'est pas celle de Vichy, mais qui est à Londres, c'est une fiction. Et évidemment, dans les premiers livres de Gary développe beaucoup ce thème du personnage de fiction, mais qui crée des effets de réel, notamment son premier livre publié qui est Éducation européenne. Il y a un personnage de résistant qui est le partisan Nadiejda, et au nom de qui tout le monde se bat, tous les gens rejoignent le maquis de la forêt de Vilno, trouvent une raison de vivre, et en fait c'est un personnage qui n'existe pas. Mais Gary nous dit c'est encore plus important que s'il existait, puisque finalement les effets de réel sont comparables. Donc là on est exactement dans l'identité narrative et ce que vous nous dites, c'est qu'au fond, De Gaulle s'est inventé son histoire. C'était un écrivain aussi, De Gaulle, et il n'a plus eu qu'à devenir le propre personnage de son histoire, c'est-à-dire à accomplir le destin qu'il écrivait pour lui-même. Égari, ce serait cela aussi. Ben, c'est-à-dire que le rapport à la réalité de cette génération-là, faut mesurer ce qu'il est. La réalité en 45, hein, Gary naît à l'écriture en 44, puis son premier roman en langue française, donc la traduction de l'éducation européenne, c'est 45. La réalité, c'est les ténèbres. C'est la faillite des avant-gardes, de ce rêve d'une altérité possible, c'est les cendres, c'est ça. Et Gary dit, non, c'est pas ça qu'il faut, c'est autre chose. L'écrivain est un enchanteur, faut créer une mythologie, faut réenchanter le monde. Donc ce qu'il aime chez De Gaulle, c'est tout ça. C'est moins le stratège militaire, c'est sans doute le résistant. Alors il y a une autre entrée qui est cette figure du minoritaire né. Gary est né minoritaire, c'est une minorité nationale dans la Pologne des années 20, et il s'est toujours identifié aux minorités, il s'est méfié extrêmement de toutes les majorités, de ceux qui croyaient détenir la vérité, de ceux qui dominaient. Si je savais, pour répondre à vos questions, qui j'étais, je le savais vraiment, j'aurais fait beaucoup moins de bêtises dans ma vie, certainement. Mais je peux vous dire que, grosso modo, à mon âge, c'est-à-dire ayant passé la soixantaine, lorsque je cherche à me définir, je me définis parce qu'il a été la période la plus marquante de ma vie, c'est-à-dire les 5 années de France libre. Je suis essentiellement pensée libre. Et cela définit toute une mentalité qui, évidemment, aujourd'hui ne veut plus dire grand-chose. Je ne crois pas à l'homme pour toutes les saisons. Ma saison à moi, au point de vue formation psychologique, c'était 1945, la France libre, le général de Gaulle et le Royal Air Force. Je vois que ce sont les années qui m'ont le plus profondément marqué, au point de vue caractère, au point de vue œuvre, probablement également. Et en tout cas, ça m'a fixé dans une certaine attitude devant la vie. La compagnie des auteurs sur France Culture. Donc Guillaume Solem, finalement, c'est la guerre, c'est la résistance qui transforme réellement la vie d'homme de Romain Gary. C'est l'expérience réellement fondatrice de son identité, ou tout du moins de son identité narrative. Oui, alors en même temps, c'est une expérience réelle qu'il a racontée, sans doute réfractée par le monde de la fiction, mais quand même, il dit à plusieurs reprises, on était 200 au début dans mon escadrille, et on a terminé, il y avait 5 survivants. Et l'aviation de l'époque, c'est pas celle de l'électronique embarquée, c'est pas le Concorde, hein, c'est une aviation physique. Il faut tout actionner à la main, voilà, on sent la présence de l'air, on sent la vitesse. Bon, il a sans doute extériorisé une grande partie de sa violence, de la violence contre sa mère sans doute, contre cette mère étouffante. Qu'il a fui finalement en s'engageant dans l'aviation. On pourrait le penser, voilà. Il y a des épisodes de sa propre guerre qui sont quasi suicidaires, mais bon, il en a réchappé, tant mieux pour lui et tant mieux pour ses lecteurs. Donc c'est une expérience incontestablement fondatrice, c'est la désobéissance, c'est Londres, c'est l'éloge de la folie, il y reviendra dans son dernier livre, Les cerfs-volants, qu'il ouais. dédie en quelque sorte à Erasme. Voilà. Et il dit dans ce livre, vous comprenez, il parle de la défaite, il dit, vous comprenez, à ce moment-là, il n'y avait qu'un seul fou en France et il vivait à Londres. Bon. Donc je pense que c'est fondatrice aussi dans cette mesure-là. Lui-même voilà, se considère liens. Comme fou. Oui, fou au sens de cette folie salvatrice, de cette vigie contre toutes les tentations de suivisme, de plus ou moins moutonnier. Voilà, c'est une espèce d'alerte d'écologie personnelle et mentale. C'est toujours la position du minoritaire, hein, la folie. Mmh. Alors vous dites qu'on ne sait pas exactement pourquoi il a décidé de devenir aviateur, mais il avait quand même le goût du ciel, et sa mère, précisément, lui a fait cette injonction. Alors on sait qu'elle lui avait dit de devenir déjà un grand écrivain français, mais elle lui avait dit aussi d'être Guynemer, Mermoz, aviateur, héros. Oui, bien sûr, héros. Ça, c'est important, peut-être. Héros, tu t'habilleras à Londres. Bon, tu seras héros, tu écriras. Il a réussi à faire tout ça en le condensant dans une seule expérience. C'est déjà pas si mal. Alors après, oui, on peut spéculer. Je pense que dans l'idée de l'aviateur, de cette translation, il y a peut-être aussi celle du passage entre deux langues. Il est toujours dans l'entre-deux, entre deux mers, entre deux cultures, entre deux langues. Il y en a un qui transporte, l'autre qui translate, et il franchit des fleuves comme d'autres franchissent l'été, de l'oubli, de l'origine. Donc il y a tout ça sans doute qui se joue aussi dans son rapport à l'aviation. Mais héros, tu seras héros. L'œuvre de Gary, Guillaume Salem, elle est donc enfantée par la guerre. Elle restera toujours indissolublement liée à l'expérience de l'histoire, ce que vous écrivez. Mais peut-être moins de l'histoire chronologique, de l'histoire événementielle, que d'une histoire plus profonde, d'une histoire qui serait primordiale. Alors oui, elle renoue avec l'originaire, mais je pense que, et ça il faut peut-être s'y arrêter quelques instants, l'une des caractéristiques Gary, c'est ce rapport incroyablement fort et fécond à l'histoire dont il y a peu d'autres exemples dans la littérature française, sauf peut-être le Malraux des Conquérants et de l'Espoir, mais Gary c'est ça. L'histoire en train de se faire, donc voilà. Aussi l'actualité du temps. Exactement, il y a toujours cette historicité, ce rapport à l'histoire, au temps long, mais aussi à l'histoire qui se fabrique, à l'histoire des événements, à l'histoire politique. Et si on regarde avec un peu de recul l'œuvre de Gary, on voit pratiquement tous les grands thèmes de l'histoire du XXe siècle qui s'y donnent à lire. L'ONU, bien sûr, la paix, la guerre, la question noire aux États-Unis, le colonialisme, mai 68, le colonialisme, mais aussi la morale bourgeoise, jusqu'à l'écologie avec les racines du ciel, voire sur un mode parodique, la naissance de l'islamisme, puisque les têtes de Stéphanie, c'est ça, c'est un type qui coupe les têtes, voilà. Toutes les têtes qui dépassent et qui les coupent un peu violemment à l'arme blanche. Donc évidemment, on trouve tout ça dans Gary. L'Europe, bien sûr, son premier livre, l'éducation européenne. Où là, il était presque anti-gaulien, puisqu'il se considérait, enfin il disait être un très grand Européen. Alors, il était un très grand Européen, mais pour une Europe évidemment sublimée, qui est celle de la littérature, qui est celle de Thomas Mann, d'Henri Barbusse, il n'était pas pour le marché commun. Il disait, le marché commun, ça pue l'arrangement de notaire du 19e siècle. Voilà, lui, il était plutôt pour une autre Europe. Du reste, il appelle à voter Mitterrand en 74 et contre Giscard, au nom de l'Europe. Est-ce qu'il a été militant? Parce que derrière son gaullisme, on a l'impression qu'il n'y a aucun engagement, et même au fond, pas tellement d'engagement, même direct pour De Gaulle. Non, c'est un gaullisme d'irrégulier, comme il l'a toujours dit, c'est-à-dire il aimait bien De Gaulle quand il était minoritaire, il raconte ça dans Chien Blanc, qui se passe essentiellement aux États-Unis, puis il arrive en France au moment de mai 68, donc c'est d'ailleurs fort drôle, il raconte les slogans sur les murs, le type totalement halluciné par les scènes qu'il vit, puis il a un de ses amis qui lui dit, oh là là, De Gaulle est attaqué, il y a une manifestation, donc il enfile son blouson d'aviateur en disant, on va être 4, je sors mon drapeau de la France libre, et là, paf, manifestation monstre, il dit, je me sens très très mal à l'aise, c'était pas du tout ce que j'avais envisagé, moi je voulais qu'on soit quelques-uns irréductibles, mais pas du tout des flots majoritaires se déversant dans la rue. Toujours cette question de la minorité, en fait, voilà. Il ne se sent bien que dans la minorité, donc, c'est une forme d'élitisme ça ? Ah non, pas du tout, non, je pense que c'est plutôt une identification avec la position du dominé, du persécuté, de celui qui subit les majorités oppressantes et opprimantes. Donc ce qu'il aime dans De Gaulle, c'est ça, c'est un De Gaulle assez romantique, un De Gaulle minoritaire, un De Gaulle défendant la fiction. Et alors en même temps, il va à un congrès de l'UDR en 63 et il prend la défense de Kennedy, alors que l'anti-américanisme est à son comble. Bon, en mai 68, il dit clairement qu'il est du côté des étudiants. Il est contre cette morale bourgeoise, contre la répression du sexe, contre l'hypocrisie. Donc trouver un fil conducteur gaulliste dans tout ça, je crois pas. Moi, je dirais plutôt gaullien, c'est-à-dire aimant De Gaulle comme personnage, mais ne s'identifiant pas du tout aux positions politiques gaullistes à l'époque. Il a eu un court moment dans les ministères. Oui, alors, il est entré dans les ministères. Alors, c'était avant qu'on parle des lois de moralisation de la vie politique. Mais pourtant, il a tenu à être sans traitement. en disant « je veux pas être payé, je viens uniquement pour casser les reins de la commission de censure », parce qu'il n'avait pas supporté qu'on censure la religieuse Rivette. Et donc il a obtenu la levée de l'interdiction, mais la commission de censure s'est vengée en interdisant moins de 18 ans son propre film « Les oiseaux vont mourir au Pérou » au prétexte qui fallacieux. Qui paraît-il n'est pas un très bon film. Non, qui n'est pas du tout un bon film, mais le prétexte est encore plus amusant. On disait que comme ça parlait de frigidité féminine, ça allait démoraliser l'ensemble du public. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Nous allons marquer, comme chaque jour, une pause dans cette émission, le temps d'aller voir ce qu'il se passe du côté des revues, du côté de nos confrères de la presse, en l'occurrence aujourd'hui, de l'Obs et de ses pages culture. C'est avec vous Bernard Géniès, bonjour. Bonjour. Vous nous parlez de l'exposition d'Annie Leibovitz qui se tient à la Fondation Luma à Arles. Oui, Annie Leibovitz, c'est une photographe américaine qui a commencé à travailler au début des années 70 en Californie, à une époque où cet État est confronté à une vague hippie de grande importance. La vague, d'ailleurs, un petit peu est en train de s'estomper. Que va faire Annie Leibovitz? Donc, c'est une jeune photographe. Elle va tout de suite s'inscrire, on peut dire, dans le sillage. Elle faisait de la peinture au départ, un petit peu. Elle faisait de la peinture, comme beaucoup de photographes. Hein. Presque tous les photographes ont rêvé d'être peintres. Et voyant que ça marchait pas, ils prennent un appareil photo. Donc, elle va s'inscrire dans le sillage des musiciens de l'époque, hein, qui s'appellent, il y a des groupes qui s'appellent le Grateful Dead, le mort reconnaissant, Jefferson Airplane, l'avion de Jefferson. Et elle les suit dans leur tournée, dans leur quotidien. Elle les photographie énormément. C'est quelqu'un qui aime bien consommer du rouleau, comme on pourrait dire. Elle les photographie en noir et blanc. Et elle va être repérée par le rédacteur en chef d'une revue qui, à l'époque, est assez encore confidentielle, mais qui va devenir une revue importante, qui s'appelle Rolling Stone, et qui va l'inviter, en fait, à travailler pour Rolling Stone. Donc, cette exposition nous présente, en fait, le travail. Il y a des centaines de photographies qui sont présentées, c'est une exposition importante. Le travail de cette photographe, donc, sur les 10 ou 15 premières années du début de sa carrière. Qui sont les meilleures, selon vous? C'est... Je vais vous dire, en fait, je suis pas un grand fan d'Annie Leibovitz. Je vais dire pourquoi. Ce que nous montre l'exposition là, en fait, c'est une photographe qui est présente et qui photographie ce qu'on lui demande de photographier, c'est-à-dire énormément de gens, d'acteurs. Il y a des politiciens. Elle va photographier la chute de Nixon, sans Nixon d'ailleurs. Hein, on voit surtout des écrans de télévision, choses comme ça. Par la suite, à partir des années 80, l'exposition s'arrête là. Elle va devenir la photographe de revues comme Vanity Fair. Là, elle fait de la production, si on peut dire, industrielle, c'est-à-dire avec des prises de vue dans des studios, presque dans des conditions du cinéma. Il y a 75 personnes qui travaillent autour. Elle se présente au plateau. Elle appuie sur le bouton et elle repart, etc. Là, par contre, l'exposition nous montre une photographe qui travaille seule, donc je trouve assez intéressante, qui nous montre en fait ces musiciens plutôt dans le quotidien. La scène rock des années 70 est encore une scène qui échappe à tous les critères de la communication, la mise en scène. Ce sont des braves gens, qu'on pourrait dire un peu, pour des braves gens qui, quand même, en Californie, consomment beaucoup de produits illicites. Et elle a un modèle, d'ailleurs, Annie Leibovitz, qui s'appelle Robert Frank, qui est le grand photographe américain, qui lui est supérieur à mon avis, enfin, et qu'elle va rencontrer d'ailleurs, et c'est une partie assez intéressante de l'exposition, dans les années, en 1975, elle va suivre la tournée des Rolling Stones, donc groupe un peu, enfin déjà à l'époque extrêmement connu, et elle va les suivre, et ce qui est intéressant dans ce travail-là, c'est qu'elle va nous les montrer dans les coulisses, des chambres d'hôtel, etc., toute une partie de la séquence de l'image que d'habitude on ne voit pas, puisqu'on les présente sur scène avec leurs petits habits de lumière, leurs petites paillettes, leurs machins, là on les voit en train de boire, un peu en train de s'ennuyer, en train de discuter, etc. Et ça nous ramène en fait à une vision assez humaine de ces musiciens qui vont devenir, et ça continue aujourd'hui, des sortes de désincarnations. Donc l'exposition a lieu à la Fondation Luma à Arles, et vous en profitez dans l'Obs pour parler plus largement d'Arles et de cette mécène, Maya Hoffman, héritière des laboratoires suisses Roche, qui est en train, avec d'autres, de faire d'Arles une ville réellement très culturelle. Alors avant tout culturel. Oui, c'est assez étonnant parce que Arles est une ville de 50 000 habitants à peu près, hein, où l'image qui dominait jusqu'à présent de Arles, c'était les éditions Actes Sud, qui sont toujours installées là-bas, hein, qui emploient à peu près 200 à 300 personnes. Il y a une librairie, salle de concert, cinéma, etc. Et Maya Hoffman est venue là et donc construit et fait construire, d'ailleurs la tour n'est pas tout à fait terminée, par Franck Gehry, une immense tour, hein, de plus de 50 mètres de haut, qui va accueillir des artistes, des résidents, des écrivains, des danseurs. Ça. On ne sait pas trop ce que ça va devenir. On va peut-être demander son avis à Guillaume Sellem. Pourquoi faut-il qu'à chaque fois qu'il y a un mécène riche, il fasse appel pour sa fondation à Franck Gehry ? Je parle au directeur de la Cité de l'Architecture. Oui, l'une des façons de vous répondre, c'est de faire une page de publicité. Nous avons en ce moment une exposition à la Cité de l'Architecture qui s'appelle « L'architecte, portraits et clichés ». Et donc, on raconte l'histoire de la représentation de l'architecte à travers les âges et à travers les arts. Et il y a un épisode des Simpsons à la fin de l'exposition où les Simpsons décident de faire appel à Franck Gehry. Je ne sais pas si vous l'avez vu, non, qui est très, très, très drôle. Voilà. Ils veulent un bâtiment Signal pour Springfield, donc ils se rendent compte, conseil municipal, ils disent « Ah bah, c'est très simple ». On va faire appel à Franck Gehry. Et à Franck Gehry reçoit la lettre, il dit qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Il froisse la lettre, il la jette, et puis en voyant l'amoncellement de papier froissé, la boule de papier, il dit « Ah, voilà, c'est ça que je vais faire bon, !» C'est une façon de vous répondre. Vous savez, après l'architecture testamentaire ou l'architecture comme symbole du pouvoir, de tous les pouvoirs, c'est pas une notion très nouvelle. Mm-hmm. Oui, enfin, il y a plusieurs architectes quand même qui sont capables de faire ça, il n'y a peut-être pas que Franck Gehry. Bernard Géniès, donc pour voir cette exposition, jusqu'à quand? Jusqu'au mois de septembre, et la tour peut-être de Franck Gehry que les Arlésiens attendent avec une plus ou moins grande impatience, hein, on sent que ça suscite pas d'enthousiasme délirant. Surtout que ça construit beaucoup, puisque à côté il y a également l'école de photographie. Alors il y a l'école de photographie qui est un projet architectural beaucoup plus modeste et beaucoup plus sobre, et qui à mon avis sera certainement mieux utilisé peut-être par les étudiants et les gens qui vont y travailler. Là c'est un petit peu une sorte, c'est vrai qu'à Arles, hein, c'est une ville pas très haute, il y a quand même une obélisque sur la place de la République. Et on a l'impression que Maya Hoffman a voulu faire une réplique de cet obélisque à la sortie de la ville, puisque ça se situe. Mais je trouve que s'il y a un petit peu regrettable dans cette initiative, peut-être quand même ça se situe sur un site, une friche industrielle, qui était d'anciens ateliers de la SNCF, qu'elle a d'ailleurs pour une part réhabilité. Peut-être que ça suffisait, cette réhabilitation des tours, des ateliers. Ah, une question qui reste en suspens. Merci Bernard Géniès, à bientôt. Des auteurs reprend sa route dans le sillage de ce grand cosmopolite qu'était Romain Gary. Ma vie a été marquée finalement par le donjouanisme. Alors c'est ça, je ne parle pas de femme, oui. Bien sûr. Je parle de donjouanisme de vie. Comme si vous voulez, donjouan a eu des femmes, un très grand nombre de femmes, j'ai eu un très grand nombre de pays, de peaux, d'univers, de voyages, de langues, de milieux, de diversité. Mais dans ce cadre-là, je considère qu'on ne peut pas être plus heureux que Don Juan l'a été avec les conquêtes féminines. Voilà ce que je veux dire. Et évidemment, je ne veux pas non plus vous faire la philosophie bon marché, qui consiste à dire, mon enfant, enferme-toi dans ta petite boîte dès le début de ta vie, ne t'occupe de rien, tu seras plus heureux comme ça. Je ne dis pas ça. Je dis que le véritable bonheur exige une continuité de vie, une passion unique, continue dans un cadre qui peut être très divers. Si votre passion, si vous êtes botaniste et que vous voyagez par le monde, très bien, mais il faut quand même poursuivre les plantes. Alors le donjuanisme n'est pas uniquement celui des femmes, comme Gary le disait à André Bourin, mais il est quand même aussi celui des femmes, Guillaume Sellem, car elles sont une clé pour comprendre l'œuvre, une clé que vous tentez dans votre livre de faire émerger également. On sait que Gary aime la compagnie des femmes et peut-être encore plus quand il écrit. Oui, incontestablement. Alors, il y a peut-être deux choses à distinguer. Il y a les femmes dans ses romans, les personnages, la représentation des femmes, et puis il y a le rôle qu'ont eu les femmes dans son écriture, même si les deux, évidemment, se rejoignent et se recoupent. Il n'y a pas un roman sans une femme chez Gary. Évidemment, aucun. Et la première, sans doute, chronologiquement et par importance, c'est Nina. Ouais. Mina dans le civil, Nina dans la promesse de l'aube, donc cette figure de la mère absolue, de la mère aimante. Mais magnifique. Magnifique et en même temps terrible, parce qu'elle est étouffante. Et quand on la retrouve dans sa réécriture sous les traits de Madame Rosa, là on n'en garde que le côté étouffant. Hein. Et Momo dit qu'il devient asthmatique parce qu'il aime Madame Rosa. Alors c'est intéressant de réécouter Gary. Il dit évidemment « don juanisme, rien à voir avec les femmes », c'est lui qui le dit. Oui, il emploie quand même ce terme-là. Voilà. Et puis il dit « oui, mais en même temps, on n'a qu'une seule passion ». Et donc cette idée que pour bien aimer quelqu'un, il ne faut aimer que cette personne, qu'on n'aime qu'une fois, hein, je trouve que ça rejoint assez directement l'œuvre de Gary et la façon dont les femmes sont présentes dans ses romans. Donc quand on a aimé sa mère, finalement, on ne peut plus aimer de femme ensuite. Bien sûr, on peut, à condition d'élaborer un certain nombre de choses, mais la première promesse de la promesse de l'aube, c'est une promesse de fidélité. Hein, je n'aimerai aucune autre autant que toi. Ça ne veut pas dire que les conquêtes sont impossibles, mais c'est des conquêtes qui ne débouchent pas sur l'amour. C'est un thème qui revient périodiquement dans Les Enchanteurs aussi. Thérésina dit tout le temps au jeune Fosco, surtout ne grandis pas, car après tu ne m'aimeras plus. Et puis ce thème de l'amour unique, l'amour qu'on ne pourrait reproduire, il traverse toute l'œuvre de Gary. Alors évidemment, c'est l'aventure de tous les petits garçons, mais les petits garçons grandissent, et à un moment donné, ils arrivent à installer une autre femme à la place de la mère. Gary, visiblement, a eu du mal. Il a installé plein d'autres femmes, mais jamais à la place de la mère, jamais à la place de l'être aimé absolument. Sauf peut-être Jean, mais Jean, il dit lui-même, c'était pratiquement ma fille. Exactement, donc, on parce est qu'elle a 20 ans de moins. Voilà, facilement. Donc on est quand même là encore dans quelque chose de l'ordre de l'incestueux, du rapport incestueux, donc les choses ne sont pas simples. Mais évidemment, ce manque constitutif, hein, cette perte de l'amour fondateur originaire, Gary a essayé de le symboliser à travers l'écriture, à travers les femmes. Les Blanches parle d'une évacuation quotidienne. La première femme de Gary. Voilà, dans le livre qu'elle lui consacre, elle dit Gary disait mes évacuations quotidiennes. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la boulimie, de l'écriture proliférante, peut-être spermatique, mais qui n'arrive pas à contenter totalement son auteur. Il y a aussi des prostituées chez Gary. Il est plutôt d'ailleurs bienveillant avec elles. Oui, alors c'est une figure aussi très importante, la prostituée. Chez Gary, l'amour, c'est évidemment quelque chose qui n'est pas seulement physique, mais qui est de l'ordre du mystique, de la rédemption. Et la prostituée, elle est au croisement de plusieurs problématiques. D'abord, c'est une initiée. C'est celle qui connaît le mystère de l'existence. C'est pas du tout une traînée, hein. Et c'est pas non plus une pute au grand cœur comme celle de la littérature populaire de Brecht et d'autres. C'est autre chose. C'est vraiment quelqu'un qui a approché le mystère de l'existence. Et d'ailleurs, souvent, les figures de prostituées dans l'œuvre de Gary sont aussi résistantes. Mmh. Comme s'il y avait quelque chose qui se jouait dans ces deux expériences fondatrices, presque ontologiques, la prostitution et la résistance. Donc, dans Les Cerfs-Volants, au moment où il doute, ou dans Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable, livre évidemment très important, il va voir une prostituée ancienne résistante pour lui demander « qu'est-ce que je dois faire ? Je sais pas trop ». Voilà. Donc cette figure de la prostituée, évidemment, elle dit tout ça. Il a une grande confiance dans les prostituées, hein. Beaucoup plus que dans les jeunes américaines culpabilisées qui sont prêtes à se faire soulager de leur argent par la première cause venue. Comme Jean Seberg. Voilà, ce qu'il raconte très très bien avec beaucoup de morgue et de tendresse aussi dans Chien blanc. Vous parlez de « Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable ». Je vous propose d'en entendre un extrait, lui ici par Guillaume Gallienne. Je me tais. Il a été convenu dès le début que la différence d'âge ne serait jamais mentionnée entre nous. Dès les premiers jours de notre liaison, il fut entendu entre nous que la vie peut ainsi venir à la fin et tout sauver, comme le messager du roi dans un dernier acte de Molière. Mais j'avais 37 ans de plus que Laura et je commençais à guetter mon corps comme s'il était celui d'un étranger qui était venu prendre ma place. J'avais du mal à me débarrasser de cette vigilance dont je connaissais pourtant l'insidieux péril, et après l'étreinte, il m'arrivait d'être plus heureux parce que j'avais été à la hauteur que d'être tout simplement heureux. Peut-être manquais-je de fraternité envers les femmes, et que, sans fraternité, l'amour et le bonheur ne sont eux aussi qu'un championnat du monde. Il y a la virilité et il y a l'infection virile, avec ses millénaires de possession, de vanité et de peur de perdre. Il faut savoir finir. Le féminin et le masculin, Guy Amselem, l'angoisse de l'impuissance, qui est aussi une question qui doit travailler l'identité de Romain Gary. Bien entendu, on est à un moment de sa vie et de son œuvre où il redéfinit les termes de sa judéité, qui est une notion problématique, je ne sais si nous aurons l'occasion d'y revenir, et donc évidemment, il transfère son doute identitaire sur la question de l'identité sexuelle. Freud, dans la psychanalyse du petit Hans, a bien montré les liens entre l'identité, l'antisémitisme et la sexualité du petit garçon. Voilà, et en tout cas, notamment à l'aune de ce fameux complexe de castration. Et il y a trois livres successifs où Gary élabore tout ça. Il y a d'abord « Les Enchanteurs », donc publié sous le nom de Gary, où il y a une scène de castration oedipienne, du père qui punit le fils pour avoir désiré la mère. Il y a ensuite, sur un mode plus parodique, « Les têtes de Stéphanie », mais le coupeur de têtes, on sent que c'est pas que des têtes qui coupent. Et puis, il y a le fameux ticket, où là, il est question d'une autre castration plus symbolique, qui est celle de l'impuissance, de la perte des moyens virils, voilà, où cette loi fatale et biologique du vieillissement se mue en menace extrêmement sombre, extrêmement insupportable sur l'identité de l'individu. Et d'ailleurs, le héros Régnier, à un moment donné, quand on lui explique qu'il va falloir qu'il accepte cette loi, cette fatalité biologique, il répond plutôt crevé. Et donc vous l'articulez à la question de la judéité, c'est ça ? Oui, bien sûr, je trouve que c'est pas par hasard que ça arrive à ce moment-là. Alors évidemment, on peut dire c'est sans doute parce qu'il est vieillissant. Ce qu'on reproche d'ailleurs à Gary à ce moment-là, on dit c'est un écrivain vieillissant. La promesse un de l'aube, l'aube ne tient, l'aube ne tient plus ses promesses. Il y a même un critique de l'époque, journaliste, qui fait un papier brillant où il dit Gary, écrivain fini, c'est dramatique, il n'intéresse plus personne. Il devrait prendre de la graine en lisant ce jeune auteur plein de vigueur qui a Émile Ajar. Là, au moins, ça change. Donc, effectivement, il y a cette idée de l'impuissance créatrice, et pas seulement sexuelle. Du reste, l'identité sexuelle, quand on évoque la virilité, elle est à l'articulation du construit social et de la biologie. C'est à la fois, pour parler comme les psychanalystes, le pénis et le phallus, c'est-à-dire l'autorité et pas simplement l'organe sexuel. Et je pense que tout ça aussi se réarticule dans l'œuvre de Gary. Comme par hasard, c'est à ce moment-là, à travers le personnage d'Ajar, qu'il réélabore les termes de sa propre judéité et donc le doute identitaire, il se déplace. Vous dites sa propre judéité parce que Gary, c'est quelqu'un qui ne va pas se laisser imposer de l'extérieur une façon d'être juif. C'est lui qui va décider de ce que signifie pour lui que d'être juif. Oui, c'est-à-dire qu'il est assez vite prisonnier de son propre roman familial. En répudiant le père, il répudie d'une certaine manière sa judéité. Enfin, c'est ce qu'il prétend, parce qu'il pourrait dire, selon la loi religieuse, la judéité est transmise par la mère, ce qui est le cas. Mais il dit tout le temps, je suis à moitié juif, je suis techniquement catholique. Enfin, tout ça est assez sombre. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, il n'a pas encore réélaboré ou élaboré sa judéité. Il le fait de plusieurs manières. L'une des manières, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire il opte pour une judéité élective, singulière, personnelle, choisie, qui échappe totalement qui à toute idée. Qui consiste en quoi ? Il décide, d'abord, il change la représentation des personnages juifs qu'il y a dans ses livres. Au début, ils apparaissent de manière éparse et ce ne sont que des individus et qui, en général, sont très très loin, et donc plutôt d'Europe centrale, pas tellement en France, et ils sont assez ridiculisés dans leur apparence physique. Et puis, peu à peu, il élabore notamment le thème littéraire de la Shoah. Avant La promesse de l'aube, les personnages juifs, et en tout cas les victimes de la Shoah, viennent hanter les livres de Gary. On les voit dans le grand vestiaire, cet amoncellement de vêtements vides. On les voit dans les trous de la forêt de Vilno, des résistants d'éducation européenne. On les voit évidemment dans ces éléphants massacrés des racines du ciel. Même s'il s'en défend, il dit ils ne sont pas allégoriques. C'est vrai, ils ne sont pas allégoriques. Mais quand on voit la scène de détresse d'une mère éléphant à qui les braconniers ont retiré son petit, on se dit c'est pas simplement une mère éléphant là qui crie et qui pleure, c'est une mère tout court. Puis il y a le tournant de la promesse. C'est les voix qui s'emparent de Gary. Celle de Nina, la fameuse voix de Monsieur Piekielny, l'infernal en polonais, qui dit tout le temps, qui s'exprime par la voix de Gary au numéro 16 de la rue Grande Poluanka à Vilno, vivait un certain Monsieur Piekielny. Et voilà, donc c'est les voix qui s'emparent du sujet, qui s'emparent de l'écrivain. Il y a ce livre fantastique, étonnant, La danse de Genghis Khan, où c'est un D-book, donc l'âme d'un mort qui vient s'emparer du corps du nazi, de l'ancien nazi qui est devenu commissaire de police qui l'a assassiné. Donc un D-book juif qui s'empare du corps d'un nazi et donc du coup qui le fait danser la hora, qui le fait parler en yiddish. C'est assez drôle, irrévérencieux, drôle. Ça a été assez mal compris, mal pris aussi par France, la communauté juive. En France, pas du tout. Aux États-Unis, ça a été absolument adoubé. Non, c'est un livre qui a été mal compris en France, mais pas dans les autres pays. Alors évidemment, c'est toujours cette veine de l'humour qui est celle de l'humour populaire, de l'humour gogolien, voilà, du rire un peu cathartique. Voilà, mais il y a des voix qui s'emparent de Romain Gary et de son écriture. Et puis, je trouve que la troisième étape fondamentale, c'est Ajar. C'est-à-dire, il se sert d'Ajar pour surmonter les dernières résistances qui étaient celles du mythe de la résistance unanime, celle du mythe du gaullisme. Et là, la scène de la dénonciation, la scène du Veldiv, la scène de l'Araf, elle revient comme un leitmotiv dans les quatre Ajar. Alors, on parle religion ou culture. Il faudrait parler un petit peu aussi philosophie pour terminer cette émission. Jean-Marie Cattonnet, qui était à ce micro lundi, finissait sa biographie en faisant de Gary un stoïcien. Est-ce que ça vous semble, est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Et est-ce que finalement la fin de Gary, dont on sait que c'est une fin tragique puisqu'il se donne la mort, pourrait être pour vous une fin d'une manière ou d'une autre philosophique? Non, pas du tout, j'y crois pas une seule seconde. Pour moi, c'est pas un philosophe, ou alors quand il fait de la philosophie, c'est un peu comme Gombrowicz dans ses leçons de philosophie, c'est-à-dire c'est une philosophie d'écrivain, une philosophie de vie, une philosophie de l'action, pas une philosophie spéculative. Non, je crois que le suicide de Gary, il faut admettre de toute manière qu'un suicide ne peut pas s'expliquer. Après, si on décide de spéculer, il y a une nouvelle, évidemment, qu'il faut citer, qui s'appelle Le Mur, dans Les oiseaux vont mourir au Pérou, où il raconte très précisément la grammaire, la syntaxe, le vocabulaire du suicide. Donc le suicide, c'est un mur psychologique qu'on se construit. Et puis l'autre clé, c'est Vie et mort d'Émile Ajar, où il dit « je me suis enfin exprimé entièrement ». Donc le suicide, c'est un acte littéraire. On ne saurait mieux dire, comme il l'écrit lui-même à plusieurs reprises. Alors après, quelles sont les briques de ce mur d'isolement psychique que se construit progressivement Gary? Il y a évidemment le vide de filiation, faut toujours revenir à ça. Dans ce premier roman, Éducation européenne, le héros qui a 14 ans, qui est résistant, voit son père très très peu, quelques pages, puis son père meurt. Mais avant de mourir, la seule chose qu'il lui lègue, c'est un revolver, un Browning. Il lui explique comment s'en servir. Donc le père est absent, il lui laisse un revolver qu'utilisera Gary pour se tuer. Il y a ça, il y a évidemment l'exil linguistique, vous en avez parlé. Nancy Houston parle de syntaxe suicidaire des Adieu Gary Cooper, et encore plus quand on lit les Ajar. Bon, chez d'autres écrivains, l'exil linguistique permet au contraire de se reconstruire. Ça a été le cas de Conrad, par exemple, de surmonter ce qu'il a vécu lui-même comme une trahison. Chez Gary, il n'y parvient pas. C'est-à-dire, ça débouche sur cette idée caméléonesque, et comme il le dit lui-même, le caméléon, il finit par devenir fou ou par éclater. Bon, il y avait sans doute aussi ce rapport à la République des Lettres, la grande déception, en dépit de Goncourt, il restera tout le temps mésestimé, méprisé. Et ce que je trouve très significatif, c'est que 4 jours avant sa mort, il demande à Raymond Aron de lui renvoyer la lettre qu'il lui avait écrite après Éducation européenne, et il le remercie, et il lui dit « Cher Raymond Aron, merci de cette lettre, c'est magnifique de l'avoir retrouvée. Effectivement, ça me rappelle le temps où j'y croyais encore. » Merci beaucoup Guillaume Selem d'être venu pour terminer cette semaine consacrée à Romain Gary avec nous. Je rappelle que votre ouvrage, Romain Gary, les métamorphoses de l'identité, a paru aux éditions de l'Harmattan en 2008. Pour terminer en poésie notre série d'émissions, Jacques Bonafé donne de la voix au texte de James Sacré et d'Antoine Aimal. Bonjour. Aller au plus profond de soi et au plus loin dehors. Dans les deux directions au bout, il y a de la ténèbre. La poésie reste pour moi la parole la plus apte pour avancer encore dans le noir. Ça, c'est une parole de Antoine Aimas dans Cambouis, qui est paru au Seuil, collection Déplacement. Une autre note dit « France Culture, ce matin, tu ne sais pas à quel point tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. » Rabbi Hartmann de Breslav. Beaucoup de citations pour entourer James Sacré, que nous suivons cette semaine dans Figure qui bouge un peu. Figure 15. Quelquefois, il pleut, il est tard, il semble qu'un poème, quand même, ça serait pas grand-chose, les mêmes phrases, un peu vagues sur l'automne avec un point rouge un peu vif, disons comme la représentation naïve d'un cœur. Seulement ça. Eh bien, on a l'impression d'être mieux, même si l'ensemble côtoie soudain le silence, la pluie qu'on entend dehors, dans la nuit, une bassine qui rouillera. Écrire comme personne d'autre ne l'a fait n'est pas une raison suffisante pour se croire génial. Beaucoup de poètes ont leur écriture propre sans arriver pour autant au génie. Mais il est certain que celui qui écrit comme tout le monde a moins de chances de dépasser le stade de l'anonymat. Antoine Aimas. Figure 31. Comme si que dans les boulevards on se promène à travers un volume d'air plus grand, ça fait qu'on marche plus vite, qu'on s'arrête aussi volontiers. Le bleu, remué par des nuages, par les angles des bâtiments, me voilà parti dans la description atmosphérique de je sais plus quel arrondissement parisien et j'avais pensé parler surtout des arbres. Il en reste encore quelques-uns, même une rangée d'ormes dépouillés tout en branches maigres comme un peu usées qu'on dirait d'un vieux balai d'écurie. Sa fière allure dans la saison qui vient avec des pluies, ça brille encore entre... La mort, elle, arrive en riant bleu du ciel déchiré et le silence inévitable qui s'installe dans le volume un peu grand des mots qu'on a pour penser à eux. Je ne peux comprendre, dit Antoine Aimas, une poésie sans émotion parce que l'ennui me saisit immédiatement autant que le sentiment du dérisoire. C'est bête à dire, mais il faut qu'un livre me touche, qu'il me donne un surcroît de vivre autant que de langue, sinon pourquoi veut-il me voler mon temps ? D'autres arbres que j'aime plus particulièrement parce qu'ils sont comme le sourire d'un village au loin, celui de mon enfance ou le vôtre, dans chacun sait quelle finesse ou quelle rusticité du paysage, des peupliers poussés qu'on dirait très vite ça fait, de la tendresse et du vert, à travers les coins et les pans coupés des immeubles neufs, de la tendresse avec pourtant quelque chose de très lointain, comme l'indifférence au loin d'un village qui n'existe peut-être pas, en tout cas pas vraiment, à travers les dalles et les bétons de ce quartier sans doute résidentiel. Merci Jacques Bonafé pour ces extraits de textes poétiques.